Section 55 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 11, deuxième partie. Période angevine. Henri II et ses fils, par Charles Bémont. Élection d'Étienne de Blois. Henri Ier était mort sans avoir réglé sa succession. Sa fille Mathilde, l'impératrice, était mal vue des barons normands à cause de son mariage avec le chef de la maison d'Anjou, ennemi séculaire de la Normandie. Aussi crut-on volontiers le connétable Hugues Bigot quand celui-ci, dont la parole était cependant peu sûre, vint affirmer qu'à son lit de mort, Henri avait déshérité sa fille et désigné pour lui succéder Étienne de la maison de Blois-Champagne, comte de Mortain et de Boulogne, petit-fils, par sa mère Adèle, du conquérant, et neveu, par sa femme Mathilde, de Henri Ier. Bien qu'il eût promis par serment de reconnaître les droits de l'impératrice, Étienne s'empressa de passer en Angleterre avant même que le feu roi fût enseveli. Les grands, assemblés à Londres, l'élurent d'une voix unanime, et l'archevêque de Canterbury, après quelques résistances, consentit à le sacrer, 22 décembre. Enfin, le pape approuva l'élection. Étienne fit d'ailleurs comme Henri Ier. Dans une assemblée tenue à Oxford, il promulgua une nouvelle charte qui promettait au clergé la liberté des élections canoniques, aux barons des adoucissements aux lois sur la forêt royale et la chasse, au peuple l'abolition du Dangeld. Peut-être était-il sincère. Les événements l'amenèrent bientôt à trahir sa parole. Guerre civile, Étienne et Mathilde. Il avait été en effet plutôt subi qu'accepté. Quand il eut dépensé les trésors de son oncle, il eut à faire face à la guerre à la fois civile et étrangère. C'est d'abord le roi d'Écosse qui envahit l'Angleterre. Il fut arrêté par les barons et la milice d'York, conduit au combat par Gauthier Espec, vieillard à la stature gigantesque, à la voix retentissante, et par l'archevêque Turstin, qui se fit transporter en litière au milieu des rangs pour animer les Anglais contre leurs voisins détestés. Le choc eut lieu à Caulton Moor, 1138. C'est la bataille de l'Étendard qui fut, pour les Anglais, une victoire complète. Mais à ce moment même, Robert, comte de Gloucester, fils naturel de Henri Ier, prit les armes. Il avait reconnu Étienne en 1135. En 1138, il se déclara pour sa propre sœur Mathilde, de concert avec les principaux chefs normands. C'était le signal d'une guerre civile qui allait troubler profondément le pays pendant 15 années. Pour y faire face, Étienne ne manquait pas de talent. Il était brave, généreux, aimable, accessible à la pitié. Il s'efforça de maintenir l'administration telle que son prédécesseur l'avait organisée. Observé de près, sa politique n'a pas été aussi volontairement pernicieuse qu'on l'a dit. Mais il fut obligé de vivre au jour le jour, de recourir aux expédients et aux coups d'État. Pour remplir le trésor, il altéra les monnaies. Pour faire la guerre, il leva des mercenaires brabançons. Il acheta fort cher des services très incertains, comme ceux de Geoffroy de Mandeville, comte d'Essex, traître longtemps heureux, qui fut à la fin arrêté par trahison et contraint à rendre gorge. Entouré d'ennemis, il craignit d'en trouver jusque dans ses ministres les plus dévoués. Roger de Salisbury, l'organisateur du pouvoir central sous Henri Ier, avait contribué plus que personne à mettre Étienne sur le trône. Mais il avait de grands biens, il avait fait construire de solides forteresses, il avait rempli l'administration de ses affidés. Étienne le fit arrêter en 1139 avec son fils Roger, chancelier d'Angleterre, et ses deux neveux, Nigel évêque d'Ely, trésorier, et Alexandre, évêque de Lincoln. Cette spoliation brutale lui mit à dos tout le haut clergé. Son frère même, Henri de Winchester, légat du pape, se tourna contre lui. Enfin, Mathilde arriva. Du coup, l'Angleterre fut divisée en deux moitiés. Les comtés de l'Ouest, où dominait Robert de Gloucester, accueillirent l'impératrice. Étienne ne se maintint plus que dans ceux de l'Est. Leurs forces étant à peu près égales, la lutte ne donna aucun résultat décisif. En 1141, Étienne fut pris à la bataille de Lincoln et Mathilde fut élue reine, Anglorum Domina, à Winchester. Mais des renforts arrivèrent au secours du roi déchu et Mathilde dut fuir en toute hâte, protégée par le dévouement de Jean, comte maréchal. Robert de Gloucester fut fait prisonnier à son tour, puis échangé contre Étienne. Enfin, il mourut en 1147, et Mathilde, privée de ce précieux appui, se retira sur le continent. La guerre civile achève la fusion des races. Étienne restait le maître d'un pays ruiné. De tous côtés s'étaient élevés des châteaux forts. Les seigneurs, les mercenaires brabançons, s'étaient fait détrousseurs de grands chemins. Ils brûlèrent les villes. Ils se saisirent des paysans, et les mirent à la torture pour les forcer de livrer leur argent. Des milliers périrent de faim et de misère. « La terre même, s'écriait ce dernier rédacteur de la chronique saxonne, refusait de produire. Christ et les saints dormaient. Le pis est que ceux pour qui l'on se battait ne méritaient aucune confiance. Si Étienne était un tyran maladroit, Mathilde ne se montra ni plus douce ni plus habile. Plus que son rival peut-être, elle compromit l'autorité royale, qui seule cependant pouvait assurer l'unité politique et morale du pays. Un peu de bien cependant sortit de cet enfer. Les deux adversaires cherchèrent également leur appui dans la nation anglaise. Normands et Saxons combattirent dans les deux camps. On leur fit les mêmes promesses, ils eurent part aux mêmes récompenses. De cette guerre civile date, à vrai dire, la fusion définitive des vainqueurs avec les vaincus. Étienne l'avait emporté un instant par la lassitude générale. Bientôt, un dangereux adversaire se révéla dans la personne de Henri Plantagenet. Henri Plantagenet. Henri était né en 1133 au Mans, de l'impératrice Mathilde et de Geoffroy le Beau, surnommé Plantagenet à cause de son amour pour la chasse à travers les halliers épineux. Il tenait de sa mère le désir violent de commander, de son père le goût pour l'étude et la controverse, une mémoire prodigieuse, un tempérament ardent et des manières séduisantes. Il avait d'abord été élevé à Rouen, dans la maison de son aïeul Roland, puis à Angers, ville ecclésiastique et savante. À 9 ans, il avait été conduit auprès de sa mère en Angleterre, et il vécut à Bristol, chez son oncle Robert, au milieu des agitations de la guerre civile. En 1149, il alla rendre visite à son oncle David, roi d'Écosse, à Carliste, et recevoir de lui l'épée de chevalier. Dès lors, il s'avoua prétendant à la couronne d'Angleterre. Sa mère l'investit en 1151 du duché de Normandie. Peu après, son père mourut en lui laissant l'Anjou, la Touraine et le Maine. Puis, il épousa Aliénor d'Aquitaine, femme divorcée de Louis VII, qui lui apporta en dot le beau duché d'Aquitaine, 1152. Il était désormais le plus puissant baron de France. Son autorité s'étendait sans interruption des rives de la Bresle au pied des Pyrénées et sur le cours inférieur des trois grands fleuves, la Seine, la Loire et la Garonne. En juin 1153, il débarqua en Angleterre. Un premier avantage l'amena jusqu'à Willingford. Les barons des deux armées obligèrent leur chef à traiter. La mort prématurée d'Eustache, fils aîné d'Étienne, facilita la conclusion de la paix, jurée définitivement à Westminster. Étienne reconnut Henri comme son fils adoptif et son héritier. Et Henri promit de laisser les enfants d'Étienne recueillir l'héritage continental de leur père. 6 mois plus tard, Étienne mourait enfin, 25 octobre. Et Henri était couronné à Winchester, 19 décembre 1154. Henri II. Le nouveau roi avait 21 ans. Il avait la taille haute, la carrure épaisse avec les épaules larges, un cou de taureau, des bras puissants et de grandes mains osseuses, les cheveux roux et coupés ras, la voix rude et discordante. Ses yeux clairs, très doux quand il était calme, se grossissaient dans la colère et jetaient des éclairs qui terrifiaient les plus braves. Frugal dans ses repas, prompt au réveil, il s'habillait avec négligence. Il préférait le court manteau angevin aux robes traînantes des Normands. Accessible à toute heure, il aimait les gens à raison des services qu'ils lui rendaient ou qu'il attendait d'eux. Rude pour ses guerriers, qu'il ne ménageait pas plus qu'il ne s'épargnait lui-même. Il regrettait les morts parce qu'il n'aimait rien perdre. Il fallait son ardeur infatigable, son esprit prompt et souple, pour gouverner un État aussi vaste, composé des peuples les plus divers, parlant des langues différentes, animé de rivalités séculaires, menacé par des voisins jaloux. Il fallait sa haine vigoureuse contre le désordre pour faire sortir l'Angleterre du chaos. Dès le premier moment, il s'entoura d'excellents conseillers pris dans tous les camps. Richard de Lucy, qui avait servi Étienne, l'archevêque Thibault, qui l'avait combattu, Nigel, évêque d'Ely, disgracié en 1140, avec Henri de Winchester, frère d'Étienne, qui, devenu sage à la fin de sa vie, n'avait plus de passion que pour ses collections d'œuvres d'art, il forma une amitié qui, malgré quelques nuages, ne se démentit jamais. À son couronnement, il renouvela les cérémonies observées par son aïeul Henri Ier. Il porta même 3 fois la couronne royale dans des assemblées solennelles à Saint-Edmond et à Lincoln en 1157, à Worcester en 1158. Ce n'était point acte de vanité, mais de politique, car le prestige de la royauté lui attirait de nouveaux hommages. Ainsi que ses prédécesseurs, il publia une charte de liberté, mais très courte, comme s'il lui déplaisait de prendre des engagements trop précis, puis il se mit sans retard au grand travail de réorganisation intérieure qu'il avait inutilement proposé à Étienne d'entreprendre en commun. L'échiquier recommença de fonctionner régulièrement. Les mercenaires étrangers furent renvoyés. Les châteaux forts que la noblesse avait illégalement élevés en si grand nombre sous le précédent règne, Castra Adulterina, furent rasés. La plupart des comtes créés par Étienne et par Mathilde furent dépouillés de leurs titres et les aliénations du domaine furent révoquées. Son jeune cousin, Malcolm IV, roi d'Écosse, vint lui prêter hommage à Chester, juin 1157. Le Northumberland et le Cumberland revinrent à la couronne d'Angleterre. L'année suivante, c'est contre les Gallois qu'il porta les armes. Sous prétexte d'accommoder une querelle entre Owen Gwynes et son frère Cadwallader, il envahit le nord du pays. S'il ne put s'y maintenir, il eut du moins la paix sur cette frontière. Henri II et son empire angevin. Henri II était encore plus un prince angevin qu'un roi anglais. On a calculé que, des 35 années de son règne, il en passa 13 en Angleterre et que 3 fois seulement il y resta 2 ans de suite. Il consacra le reste de son temps à ses domaines français. De 1158 à 1163, il ne les quitta pas. Duc d'Aquitaine et duc de Normandie, il était tenu en cette double qualité à des obligations féodales différentes et mal définies. Sénéchal de France, comme comte d'Anjou, il comptait parmi les grands officiers du roi, qui était son principal adversaire. À son tour, il avait des droits de suzeraineté plus ou moins fondés sur la Bretagne, comté mouvant de la Normandie, sur le Berry, l'Auvergne et Toulouse, dépendance réelle ou prétendue de l'Aquitaine. Hors de France, il était apparenté avec Foulque, roi angevin de Jérusalem, son grand-père, avec le roi normand de Sicile, et il n'épargna aucun effort pour obtenir leur alliance. D'autre part, les ennemis ne lui manquèrent pas. Il dut combattre les enfants d'Étienne, qui réclamaient le comté de Mortain, son propre frère, Geoffroy, qui demandait l'Anjou, le roi de France, Louis VII, qui l'arrêta devant Toulouse, 1159. Après avoir habilement réglé ses affaires continentales, Henri II revint dans son royaume. Un redoutable conflit l'y attendait. Pendant son absence, l'Angleterre avait été sagement gouvernée par Richard de Lucy et Robert, comte de Leicester, grand juge, justiciari, de la couronne. Les revenus royaux, qui de 60 000 livres étaient tombés à 24 000, s'étaient relevés. Aux anciens impôts s'en était ajouté un nouveau, l'écuage, scutagium, ou rachat à prix d'argent du service militaire que devait tout homme libre possédant des terres d'un revenu annuel d'au moins 20 livres. C'est avec le produit de cette taxe que Henri II avait pu faire les frais de la guerre contre Toulouse. En même temps, la paix publique avait été maintenue par une administration vigilante dont l'âme était le chancelier Becket. Thomas Becket. Becket était né à Londres en 1117. Fils de Gilbert Becket de Rouen et de Mathilde de Caen, un seul chroniqueur l'appelle Rose, il était de pur sang normand, et c'est une légende postérieure qui lui donne une origine à moitié sarrasine. Il fut d'abord élevé comme un gentilhomme dans la maison de Richard de l'Aigle, à Pevensey, mais son père, riche marchand de la cité, ayant perdu sa fortune, Thomas se fit clerc et entra dans les bureaux de son parent Osborne, huit-deniers, puis dans ceux du chancelier Thibault, archevêque de Cantorbéry. Il avait alors 22 ans. Il était mince et pâle, avec les cheveux noirs, le nez long et les lignes du visage très fermes. Sa contenance modeste et sa parole séduisante pouvaient tromper sur sa vraie nature. C'était un passionné. Quoi qu'il fît, il s'y donnait tout entier. Il servit plusieurs maîtres, mais un seul à la fois. D'abord son archevêque, puis le roi, puis Dieu. Thibault attirait et retenait auprès de lui l'élite du clergé. Son secrétaire était le fameux Jean de Salisbury, le futur évêque de Chartres et biographe de Thomas Becket. Il avait introduit en Angleterre l'étude du droit canonique et le fit enseigner à Oxford par Vacarius, le plus ancien professeur connu de la célèbre université. Le jeune clerc s'y appliqua de toute son ardeur. Il alla même à Bologne entendre Gratien, qui, à ce moment, publiait son décret. De cet enseignement, Thomas retint surtout la partie politique, car il ne fut jamais un profond canoniste, non plus qu'un lettré exercé. Il s'arma pour l'action. Ses études achevées, il devint un des favoris du prélat. En 1152, il fut envoyé à Rome pour décider le pape à empêcher Étienne de faire sacrer roi son fils Eustache, et il réussit. Par là, il assurait le trône à Henri Plantagenet et préparait sa propre fortune. Il fut nommé archidiacre de Cantorbéry et prévôt de Beverley. À l'avènement de Henri II, il devint chancelier d'Angleterre. Dans ce poste éminent, il se signala comme juge, comme financier et comme diplomate, défendant les droits du roi, même contre l'Église. Quand Henri II leva un écuage sur les terres du clergé, 1158, l'archevêque Thibault protesta, mais le chancelier applaudit. Comblé des faveurs royales, Becket devint orgueilleux et hautain, mordant comme le loup quand il a pris l'agneau. Il vécut dans le faste, entouré d'un brillant cortège de chevaliers qu'il entretenait dans sa maison des revenus fournis par ses nombreux bénéfices. Il aimait la chasse et la guerre. Un de ses biographes, le poète Gautier, le vit plusieurs fois en Normandie chevaucher sur les Français. Thomas Becket était donc vraiment un ministre selon le cœur de Henri II. C'est pourquoi le roi voulut le mettre à la tête du clergé, de ce corps qui donnait à l'administration les agents les plus instruits, les plus honnêtes et les moins dangereux, puisqu'ils ne pouvaient ni porter les armes ni rendre leurs charges héréditaires. Il espérait trouver en lui un autre Lanfranc. Mais les temps avaient changé. Parmi les membres les plus austères du clergé, l'opinion avait prévalu que l'Église, pour vivre honnêtement, devait s'abstenir des affaires laïques, cesser de fournir à l'État ses ministres et ses juges. Ces idées, Thomas avait appris à les connaître auprès de ses maîtres, à Bologne et à Cantorbéry. Il y avait jusqu'ici prêtait peu d'attention parce qu'il n'appartenait guère au clergé que par ses grands biens. Mais le poste de primat que Henri lui offrait lui enseignait d'autres devoirs. Il prévit que leur amitié y périrait. « Il faut, dit-il, que l'archevêque de Canterbury offense Dieu ou le roi. » Henri II n'en voulut rien croire. Malgré les conseils de sa mère, les protestations des grands, les plaintes de l'Église, il imposa son candidat au choix des électeurs. Thomas, qui n'avait encore reçu que les ordres mineurs, fut ordonné prêtre le 2 juin 1162, consacré archevêque le lendemain, revêtu 2 mois après du pallium. À voir le roi presser avec une telle instance l'élévation de son ministre et Becket se résigner si vite à la subir, qui eût pu croire qu'une irréconciliable inimitié allait tout à l'heure les séparer? Brusquement, Becket changea de vie. Le luxe fut banni de sa maison. Il prit l'habit de ses moines et leur donna l'exemple de l'austérité. Il s'entoura de clercs renommés pour leur science, surtout dans le droit, consacra tout son temps à l'étude, à la prière, aux œuvres pies. Chose plus grave, il donna sa démission de chancelier, après avoir pris soin d'ailleurs de se faire donner par le justicier quittance entière de toutes les sommes dont il avait eu le maniement durant sa charge. Sans doute c'était l'usage en Angleterre. Mais Henri II n'avait pas comblé d'honneur un aussi bon serviteur pour le perdre, et il s'irrita de cette démission comme d'une injure personnelle. Ce fut bien pis quand, à la grande assemblée de Woodstock, 1er juillet 1163, le prélat refusa d'autoriser la levée du Dangeld sur les terres du clergé. C'était la première fois depuis la conquête qu'on refusait l'impôt au roi. On ne sait ce que fit Henri II, mais il est certain que, depuis lors, il ne fut plus question de l'argent pour les Danois. Becket et les articles de Clarendon. 3 mois plus tard, à Westminster, 1er octobre, le roi se plaignit de l'indulgence des tribunaux ecclésiastiques, de leur exaction, des facilités qu'ils offraient aux criminels pour échapper au châtiment. Il suffisait en réalité de se dire clair, et l'on pouvait être clair sans même avoir pris les ordres mineurs, pour échapper à la justice civile. Henri demanda que les clercs accusés de vol ou de meurtre, après avoir été punis selon les lois de leur ordre, fussent remis aux mains des juges séculiers et punis selon les coutumes du royaume. Thomas s'y refusa. Il était injuste, disait-il, non sans raison, d'infliger un double châtiment pour un seul crime. Le roi invoqua en vain les coutumes du royaume. La loi de l'Église avait, aux yeux du prélat, plus d'autorité que la loi laïque, et Thomas ne consentait à obéir à celle-ci qu'autant qu'elle ne porterait pas atteinte à celle-là. C'était s'engager dans une impasse. Les coutumes du royaume n'étaient encore ni écrites ni fixées. L'eût-elle été, l'Église ne les eût pas subies volontiers, puisqu'elle invoquait la justice contre le droit. D'ailleurs, il faut se rappeler qu'à cette époque, la procédure ecclésiastique était tout de même moins oppressive et les peines moins barbares que devant les tribunaux laïcs. En réservant les privilèges de son ordre, Becket défendait donc, jusqu'à un certain point, la cause de la dignité humaine contre Henri II, qui, en invoquant le souvenir de son aïeul, déclarait son intention de régner en despote. Le roi mit fin brusquement à l'assemblée et quitta Londres en fureur, suivi de la foule tremblante des prélats qui craignaient pour leur siège. Thomas demeura presque seul de son opinion. Peu après Noël, la cour s'assembla dans un hameau isolé au milieu d'une chasse royale à Clarendon. Là, circonvenu par les évêques, ébranlé par les menaces de mort qu'on lui prodigua, Thomas céda. Il promit de respecter les coutumes du royaume. Aussitôt, les conseillers du roi, Thomas prétendit plus tard que c'était uniquement le justicier Richard de Lucy et un légiste français, Jocelyn de Bayeul, se retirèrent dans une chambre voisine pour consigner par écrit le texte même de ses coutumes. Ce sont les 16 articles de Clarendon qui furent approuvés, dit l'acte de cette constitution, par les évêques et les grands du royaume. 30 janvier 1164. Il décidait que les clercs accusés pour une cause quelconque devraient comparaître et devant la cour du roi et devant le tribunal ecclésiastique. S'ils étaient convaincus ou s'ils avouaient, l'Église les abandonnait aux bras séculiers. Article 3. En matière ecclésiastique, les appels devaient être portés de l'archidiacre à l'évêque et de celui-ci à l'archevêque, mais sans pouvoir aller plus loin. Article 8. Les archevêques et les évêques, comme tous les vassaux directs du roi, étaient tenus d'obéir aux fonctionnaires royaux, d'acquitter toutes les obligations de leur fief, d'assister au jugement de la cour du roi, sauf quand il y avait lieu de prononcer la mutilation ou la peine capitale. Article 11. Ils ne pouvaient quitter le royaume sans l'autorisation royale, ni sans prêter serment de rien faire qui pût nuire au roi et au royaume. Article 4. Les autres articles se rapportaient au droit de régal, au droit d'avouerie et de présentation aux églises, aux excommuniés, à la procédure, etc. Si telles étaient les coutumes du royaume au temps de Henri Ier, ce qui n'est pas sûr, il est certain qu'elles précisaient les devoirs de l'Église en matière féodale et politique, avec une netteté gênante pour le présent et menaçante pour l'avenir. Comme au temps du conquérant, l'Église d'Angleterre était très clairement soumise à l'État. Mais depuis Grégoire VII, l'idée catholique avait fait de grands progrès. L'Église admettait comme indiscutable la théorie de la monarchie universelle, où le pape régnait souverainement sur les âmes de tous les chrétiens et les gouvernait par le clergé. Le pouvoir laïque pouvait-il prétendre à limiter le pouvoir divin? Thomas, qui avait repris son assurance, ne chercha même pas à discuter. Persuadé qu'avec Henri II, tout compromis était impossible, il refusa d'apposer son sceau à l'acte, quitta la cour et se retira à Winchester où, revêtu de l'habit de pénitent, il attendit que le pape l'eût absous d'avoir pendant un moment trahi son devoir. Fuite de Becket. Dès lors, Henri II jura de se venger. Becket ayant refusé de comparaître comme défendeur dans un procès que lui intentait Jean le maréchal, le roi assembla sa cour à Northampton pour juger le prélat inculpé du crime de forfaiture, 7 octobre. Les barons, les grands officiers de la couronne, les évêques, contraints à siéger par la constitution de Clarendon, se réunirent dans la chambre haute du château. Les moindres barons et les fonctionnaires royaux, qui avaient été aussi appelés, se tinrent en bas, dans la grande salle que chauffait un vaste brasier allumé au milieu. On délibéra longtemps. Enfin, Henri de Winchester vint, à contre-cœur, déclarer Becket coupable de n'avoir pas obéi à un bref royal. Le prélat fut mis à l'amende. Puis, malgré la quittance générale qui s'était fait donner à sa sortie de charge, on lui demanda un compte rigoureux de certaines sommes qu'il avait reçues ou dépensées étant chancelier. Thomas offrit 2000 marks. Le roi refusa. Il voulait pousser à bout son adversaire et le dégrader. On allait jusqu'à dire qu'il méditait la mort du prélat et la ruine de ses partisans. 4 jours se passèrent au milieu de ces alarmes. Puis Thomas, méprisant les conseils de tous ceux qui l'engageaient à céder, interdit aux évêques de prendre part au jugement et déclara qu'il en appelait à Rome, double violation des articles de Clarendon. Enfin, revêtu de ses habits pontificaux, crosse en main, il se rendit au tribunal. Ses plus fidèles serviteurs l'avaient abandonné, mais une foule immense le suivit en l'accompagnant de ses vœux. Les évêques n'osaient désobéir ni au roi ni à l'archevêque. Ils sortirent de ce mauvais pas en demandant au roi l'autorisation d'en appeler au pape contre la défense que Becket leur avait intimée de siéger avec les barons, et ils se retirèrent. La cour fut complétée au moyen de fonctionnaires et de moindres barons. Elle déclara l'archevêque coupable de trahison, mais quand les comtes de Leicester et de Cornouailles vinrent pour prononcer la sentence, Becket se leva et prit la parole, affirmant hautement l'indépendance du clergé. Comme l'or vaut mieux que le plomb, ainsi l'autorité spirituelle est supérieure au pouvoir temporel. Puis, après avoir interdit au comte de parler, il quitta le château pontificalement. La nuit suivante, il s'enfuit au milieu d'une horrible tempête qui le protégea, parvint sous un déguisement à la côte flamande et se rendit en France auprès du pape. L'exil volontaire de Thomas Becket était un échec personnel pour Henri II plutôt qu'un revers pour sa politique. À l'intérieur, il continua ses réformes. Au retour d'une nouvelle expédition inutile contre les Gallois, 1165, il promulgua l'Assise de Clarendon, sorte de code criminel en 22 articles qui proscrivait les hérétiques, instituait de grands jurys d'enquête dans les comtés et centaines pour déférer aux juges les voleurs, les meurtriers et leurs complices, étendait l'autorité des shérifs en matière de police et de francs-pièges au détriment des justices et immunités féodales. 1166. La même année, il leva une aide pour le mariage de sa fille aînée Mathilde avec Henri le Lion, duc de Saxe. Cette union le rapprocha de Frédéric Barberousse, mais il refusa de se laisser entraîner par l'empereur dans sa lutte contre le pape Alexandre III. De son côté, Alexandre avait intérêt à ménager le chef du puissant empire angevin, et il soutint mollement la cause de Thomas Becket. Le prélat, encouragé à la résistance par les rares amis qu'il avait suivis dans l'exil, s'exaltant lui-même par le jeûne, les macérations, l'étude fiévreuse des écrits théologiques, aigri par les persécutions que Henri II dirigeait même contre les personnes de sa famille, continua presque seul le combat. Il refusa d'instituer les évêques élus depuis son départ. Il excommunia les principaux conseillers de Henri II. Quand le roi eut fait couronner son fils aîné, Henri Courmantel, par l'archevêque d'York, au mépris des droits de l'archevêque de Cantorbéry, 14 juin 1170, il arracha au pape la promesse d'envoyer des légats pour mettre l'Angleterre en interdit. En même temps, Louis VII, irrité de sa fille Marguerite, n'avait pas été couronné avec le jeune roi son époux, prit les armes. Pour détourner l'orage, Henri II vint en Normandie. À Fréteval, il se réconcilia avec Louis VII, 20 juillet, puis avec le prélat, 22 juillet. Il consentit à ne plus exiger de Becket qu'il reconnût les coutumes du royaume. Il promit de le prendre sous sa protection, de lui restituer tous ses biens, de faire sacrer de nouveau le jeune Henri, et cette fois avec sa femme. Le roi et le prélat se séparèrent en se donnant l'accolade, mais non le baiser de paix, et sans avoir au fond rien abdiqué de leur ressentiment ou de leur rancune. Fin de la section 55.